Agge chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par le moyen d'Agge le prophète, en disant. Parle maintenant à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Jehozua, fils de Jéhotsada, grand sacrificateur, et au reste du peuple, et leur dit. Qui est celui qui est demeuré de reste d'entre vous, qui ait vu cette maison dans sa première gloire, et qui la voit telle que vous la voyez maintenant? N'est-elle pas comme un rien devant vos yeux, au prix de celle-là? Maintenant donc, toi, Zorobabel, fortifie-toi, dit l'Éternel, aussi toi, Jéhozua, fils de Jéhotsada, grand sacrificateur, fortifie-toi, vous aussi, tout le peuple du pays, fortifiez-vous, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole de l'alliance que je traitais avec vous, quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit, demeure au milieu de vous, ne craignez point. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce qui même sera dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Et j'ébranlerai toutes les nations, et les désirés d'entre toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, a dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire sur cette dernière maison-ci, sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des armées, et je mettrai la paix en ce lieu-ci, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée par le moyen d'Agge le prophète, en disant. Ainsi a dit l'Éternel des armées, interroge maintenant les sacrificateurs touchant la loi, en disant. Si quelqu'un porte au coin de son vêtement de la chair sanctifiée, et qu'il touche du coin de son vêtement à du pain, ou à quelque chose cuite, ou à du vin, ou à de l'huile, ou à quelque viande que ce soit, cela en sera-t-il sanctifié? Et les sacrificateurs répondirent, et dirent, non. Alors Agge dit, si celui qui est souillé pour un mort, touche toutes ces choses-là, ne seront-elles pas souillées? Et les sacrificateurs répondirent, et dirent, elles seront souillées. Alors Agge répondit, et dit, ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation devant ma face, dit l'Éternel, et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains, même ce qu'ils offrent ici, est souillé. Maintenant donc, mettez ceci, je vous prie, dans votre cœur, depuis ce jour et au-dessus, avant qu'on remît pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Avant cela, dis-je, quand on est venu à un monceau de blé, au lieu de 20 mesures il ne s'y en est trouvé que 10, et quand on est venu au pressoir, au lieu de puiser du pressoir 50 mesures, il ne s'y en est trouvé que 20. Je vous ai frappé de brûlures, et de niel, et de grêle, dans tout le labeur de vos mains, et vous n'êtes point retourné à moi, dit l'Éternel. Mettez maintenant ceci dans votre cœur, depuis ce jour et au-dessus, depuis, dis-je, le 24e jour du 9e mois, depuis ce jour-ci auquel les fondements du temple de l'Éternel ont été jetés, mettez ceci dans votre cœur. Ce que vous avez semé est-il encore retourné au grenier? Même jusqu'à la vigne, et au figuier, et au grenadier, et à l'olivier, rien n'a rapporté. Mais depuis ce jour-ci je donnerai la bénédiction. Et la parole de l'Éternel, fut adressée pour la seconde fois à Agge, le 24e jour du mois, en disant. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, en disant, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chariots et ceux qui montent dessus, et les chevaux et ceux qui sont montés dessus seront abattus, chacun par l'épée de son frère. En ce temps-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, ô Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te mettrai comme un anneau de cachet, car je t'ai élu, dit l'Éternel des armées.